Gratuit pour mes nouveaux châssis et mes nouvelles portes. Télisol. La première. Il est 16h. Votre journal, Sophie Léonard. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Réunion au Luxembourg des 28 ministres européens du commerce et une conclusion. Ils n'ont pas pu donner leur accord au CETA, cet accord de libre-échange avec le Canada. La Belgique n'a pas pu donner son feu vert. La région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles s'y opposent, mais l'accord n'est pas enterré pour autant. Pas encore. Les discussions avec les différents niveaux de pouvoir du pays se poursuivent. C'est ce qu'a expliqué Cecilia Maelstrom, la commissaire européenne en charge du commerce à l'issue de la réunion aujourd'hui. Il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout. Nous menons des discussions avec le gouvernement belge et les différents niveaux de pouvoir du pays pour tenter de trouver une solution, pour écouter leurs préoccupations. Certaines sont semblables aux préoccupations qu'ont exprimées d'autres États membres et à mon avis, la déclaration interprétative apporte des éléments de réponse. Nous tentons d'apporter d'autres réponses. Bien évidemment, le gouvernement belge est également impliqué dans cette discussion. Donc, nous menons des discussions avec les différentes entités belges, comme nous l'avons fait avec d'autres pays, et c'est ce que nous pouvons faire pour le moment. La décision finale, s'il y en aura une, sera prise lors du sommet européen, cette semaine. En bref, chez nous, les parlementaires ont voté la confiance à Charles Michel, le Premier ministre. Un vote de confiance après les débats hier sur la déclaration de politique générale. Vote sans surprise, majorité contre opposition. L'opposition, elle se trouve aussi du côté des syndicats, contre notamment la flexibilité dans les call centers. Une cinquantaine de militants ont mené une action ce matin pour dénoncer la loi Peters. CNE et CGSLB refusent davantage de flexibilité dans ce secteur où le travail de nuit ou lors des week-ends est déjà très fréquent. On apprend que 15 perquisitions ont été exécutées ce matin sous la direction de la police judiciaire fédérale de Flandre-Orientale. Des perquisitions dans le cadre d'un dossier de terrorisme du parquet fédéral. Ces perquisitions ont notamment eu lieu à Gand, Daines et Anvers. Ni armes ni explosifs n'ont été retrouvés. Au total, 15 personnes ont été emmenées pour audition, dont 4 ont été déférées devant le juge d'instruction. Ces personnes sont inculpées de participation aux activités d'un groupe terroriste, entre autres le financement. Certaines de ces personnes sont également suspectées d'avoir voulu recruter des personnes pour qu'elles se rendent en Syrie en vue d'y rejoindre l'État islamique. Après le lancement des opérations militaires pour déloger les djihadistes de Mossoul, les ONG humanitaires sont prêtes à venir en aide à la population civile qui pourrait fuir les combats. Selon l'ONU, un déplacement massif pourrait débuter d'ici une semaine. Frédéric de Saint-Cernin, directeur général délégué d'Asteg, est en ce moment en mission à Erbil. Il supervise le déploiement de l'aide humanitaire de son ONG. Il y a plusieurs camps d'accueil qui ont été prévus sous la responsabilité des Nations Unies et dans lesquels les ONG vont pouvoir travailler. Aujourd'hui, il y a une capacité d'un peu plus de 50 000 personnes. Dans les jours qui viennent, il va y avoir une capacité de 200 000 personnes. Et même si l'on doit être très prudent, c'était sur ce chiffre à peu près que comptaient les Nations Unies en termes de mouvement, de flux. À partir du moment où il y en aurait plus, s'il devait y en avoir plus, il y aura par la suite la capacité de faire venir des stocks de contingences nécessaires pour pouvoir s'occuper de tout le monde. J'imagine que la prise de Mossoul va être compliquée. Nous, on est prêts à s'inscrire dans la durée, même si ce qu'on demande aux organisations humanitaires maintenant, c'est de mettre en place un mécanisme de réponse rapide, c'est-à-dire de distribuer le moment venu auprès des populations un kit de nourriture, un kit de cuisine, un kit d'hygiène, des couvertures, tout ce qui permet aux gens de tenir dans un premier temps. Des propos recueillis par nos confrères de Radio France et notons que l'armée irakienne annonce déjà la reprise de 20 villages aux mains des terroristes du groupe État islamique. Enfin, on termine avec cette information. Plus de trains dans le tunnel sous la Manche. Les spécialistes inspectent les deux tunnels à la suite d'un problème technique apparemment de caténaire. Le problème a surgi du côté anglais. Les trains ont dû rebrousser chemin. La circulation devrait être rétablie dans une heure. Voilà pour l'essentiel de l'info. Belle fin d'après-midi à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. C'est presque sérieux avec vous, Walid. Effectivement, merci Sophie. Retour dans l'information dans 26 minutes maintenant, 16h30. D'ici là, soyez les bienvenus. Excellent mardi à l'écoute de la première. Oui, nous sommes presque sérieux. Les jouets, c'est drôle. La TVA, pas du tout. Alors Cora vous l'offre sur un jouet au choix avec la carte Cora. Conditions en magasin. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Vous récupérez les 450 euros. Vous allez vous chercher une voiture qui coûte un peu moins cher. Oui, c'est difficile à trouver. C'est QFD. Au nom de toutes les filles soi-disant faciles, permets-moi de m'insurger, car oui, on peut coucher le premier soir et avoir des principes. On a tous un vêtement fétiche d'un film ou d'un feuilleton qu'on rêverait d'avoir dans notre garde-robe, non? Carole, elle m'a dit que c'était la petite robe noire d'Audrey Byrne dans Breakfast at Tiffany. Ah, moi, c'était le pyjama de Charlie Ingalls dans la petite le truc, vous savez, le truc rose qui, quand il enlevait son pantalon, il restait habillé. Le long caleçon. Ah, c'était avec les bras et tout, c'était avec les boutons en haut. C'était magnifique. Et vous, Jean-Jacques? J'ai du goût, monsieur. Le short de Rocky. Florence. Il n'y a pas de petit bonheur, il n'y a que des bonheurs au pluriel. C'est vrai. Ah, ouais, c'est par exemple, bonheur. Quand vous changez mon fond d'écran pendant le journal. Jean-Marie Le Pen, cet ancien parachutiste à la retraite, a été brûlé aux deux mains en sauvant des flammes le Galaxy Note 7 de Vladimir Poutine. Il doit prendre depuis des calmants 24 heures sur 24. Le texte du CETA, c'est 1500 pages, mais 1500 pages en anglais. En code secret, quoi, pour un élu wallon. En anglais, ça commence bien. Dit, c'était quoi, au fond, le parcours de la manif? Eh bien, on est parti du 20e et on a terminé dans le 16e. Ah ouais. Quoi, arrondissement? Non, siècle. La police organise un concours de recrutement, donc, mais comme le niveau est très très bas, l'épreuve décisive consiste finalement à savoir compter de 1 à 10. Alors, tous les candidats échouent. Ils font 1, 2, 3, 4, bon, ils s'arrêtent finalement à 6 ou à 8. Mais finalement, un candidat brillant réussit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, dit l'examinateur, vous avez réussi. Mais rien que pour la joie du jury, vous pourriez continuer au-delà de 10. Bien sûr, dit le candidat. Valet, dame, roi. On embrasse la police. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Rien ne nous a échappé, toute l'actualité au menu et au programme de ces presque sérieux, soyez les bienvenus. J'en veux pour preuve bien cette histoire, oui, qui parle de Donald Trump, qui aurait sous-entendu que sa rivale Hillary Clinton se droguerait. Ah, oui. Du coup, la question qui occupe toute la campagne américaine depuis quelques heures, c'est Hillary Clinton, simple femme de chanvre ou stature d'héroïne? Il faut voir. En tout cas, jusque 17h30, ils vous ouvrent les portes de leur centre spécialisé pour une cure de désinfox. Ah, voici vos chroniqueur du jour. À la bibliothèque, il paraît que c'est Coq en stock, que notre presque reporter a vachement lu et très longtemps loué. C'est Paul Mosseret, bonjour. Bonjour Wally. Ça va, c'était ouais, bien. Pas mal, pas mal. C'est par cœur. Pas tout compris. Tiens, elle vous savie à soigner la diction. C'est Catherine Ronvaux, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous-même? Écoute, ravi de vous avoir avec nous. Lui, tiens, quand il nous demande une augmentation de cachet, on ne sait jamais si on doit en parler à notre comptable ou à son dealer. C'est Michael Elbaz, bonjour. Bonjour Walid, vous bonjour allez à bien tous. Oui. Il y en a qui disent qu'il écrit avec ses tripes. D'autres que c'est pendant ces tripes. C'est Pierre Charette. Bonjour. Vous allez bien? Ça va toujours quand on est annoncé comme ça. Tiens, lui, plutôt que les bad tripes, justement, il préfère les tripes de bête. C'est notre petite andouillette à nous. Raoul Reyes, bonjour. Eh bien, vous me faites penser que j'ai encore 6 andouillettes au congélateur. Je suis là pour ça. Vous savez comment votre femme m'appelle? Le post-it. C'est pour vous rappeler les petites choses. Et tiens, elle est un peu notre élastique bras droit. C'est Garo le baquet. Vous savez, le Garo qu'on met avant C'est notre assistante qui a préparé cette émission pour vous. Et puis dans cette émission, il gère le pack son pour éviter le manque ou l'overdose. C'est Daniel Scheck qui a réalisé cette émission pour vous. Vous l'avez compris, ils sont presque sérieux, tout comme vous. Merci donc à vous d'écouter la première à cette émission, presque sérieuse. L'actualité, une fois de plus, ce sont eux qui la font. Et c'est avec vous que nous en rirons aujourd'hui. Soyez les bienvenus. C'est presque sérieux. C'est la première. Et au menu du gros dossier. Ah oui, oui, oui. Du lourd. Enfin, du lourd. Bah déjà, vous parlez de drogue le jour où on dévoile le parcours du Tour de France. Bah oui, c'est fort. Et vous savez que tout est lié. Bah oui. Ah oui, tout est lié. Tout se tient. Vous savez que je suis tombé sur une info où 28% des Américains pensent à la théorie du complot. Enfin, tout le monde est. Ah oui, donc, seulement 28%. Plus d'un quart des Américains. Ils s'intéressent à Bernard Westphal. Non, ils se disent qu'il y a du complot partout dans le monde. Donc voilà. Durant 7h30, c'est 90 minutes, l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur UTD, ça va nous intéresser, ça, on va en parler dans un instant. Le prix IG Nobel, qui récompense donc les réalisations drôles mais qui font réfléchir, ce sera avec Paul Mosseret. On s'intéressera également avec Catherine Ronvaux au bien parler de nos politiques. Oui. Ah, il faut. Il faut. Et puis le gagnant de l'Euro Million est introuvable. La presse nous dit qu'il est plus parti travailler. C'est un scandale. C'est un scandale, comme dirait Georges Marchais. Tiens, et puis des cadeaux que nous allons vous offrir. Je ne sais pas si j'ai bien fait. C'est la phrase du jour. C'est le qui a dit du jour. Je pensais que vous parliez du cadeau. Oui. Et le cadeau, par contre, c'est l'agenda Kroll en petit format que nous vous offrons avec pas mal de dessins plus drôles ou plus sérieux en passant par l'irrévérencieux. Vous allez pouvoir égrener vos semaines sous le signe de l'humour avec Pierre Kroll en toile de fond. Donc n'hésitez pas, vous vous inscrivez. On rajoute à cela un bic aux couleurs de la première et un chargeur USB aux couleurs de la radio. Voilà, ça fait un beau package. C'est le Kroll grandeur nature ? Non, c'est le grand format. C'est... on l'offre quelque part, mais je ne sais plus où. Sur Facebook. Ouais. Ah, ça existe encore, ça ? Bah, il paraît, en partie. Je sais pas. Moi, je passais à... J'ai envie de passer au 3.0. Il faut simplifier Facebook. Non, je pense qu'il faut passer au 3.0. Il faut passer à une nouvelle technologie. Il faut passer à un nouveau réseau social. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie d'en inventer. Hein. Oui. Aujourd'hui, je vais... Voilà. Allez, après les maisons de retraite, envoyez-moi une lettre, maintenant, et le premier qui m'envoie la lettre et que je reçois, il va y repart avec ses cadeaux. Vous imaginez? Voilà, pour trois jours. La poste. C'est vrai. En plus, ça sauve les facteurs. On créerait de l'emprunt. Mais bien sûr. Et c'est les pigeons là à la fenêtre. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait. Qui aurait pu prononcer cette phrase? Eh bien, vous nous le dire. CPS au 6031, 75 centimes le message. C'est donc le code qu'il faudra envoyer avec vos coordonnées complètes, nom, prénom et adresse. Et on vous offrira ces cadeaux avec, bien entendu, des propositions. Et en attendant, c'est deux morceaux de musique que je vous propose. Voici la une du jour. Ce sont deux extraits qui ouvrent le bal en ce mardi. Écoutez attentivement et rattachez. Le bal de l'actualité masquée. À vous de la découvrir. Donc il rit. Ah oui. Écoutez. Je suis voleur, j'aime voler. Moi, je suis comme les aviateurs. Ah, ça c'est bon ça. Rita Mitsouko, le petit train. Et on embrasse Rita Mitsouko qui nous écoute. Oui, oui. Puisque oui. C'est son anniversaire aujourd'hui. Catherine Ringer. Madame Mitsouko. Ouais. On va voir mon âge, non ? Catherine Ringer, c'est son anniversaire aujourd'hui. Oh, elle restera jeune éternellement. Oh, oui, comme vous. Dites Mouloudji, je voulais dire que c'était pas très dansant. Si. Eh bien, réécoutons-le. Mouloudji, le voleur. Si, ça en boîte, ça cartonne. Mouloudji, le voleur, de quelle actualité s'agit-il ? Est-ce que vous avez lu une info en rapport avec le vol ? Parce que c'est un fait divers ? Non. Est-ce qu'il s'agit de voler avec un avion ? Non, c'est politique. On vole de plus en plus dans les magasins. Ah, c'est un lien. Ah oui. Mais aujourd'hui, c'est. City 2. C'est une semaine de quoi aujourd'hui ? C'est la semaine de. De la sécurité. Et effectivement, c'est la semaine nationale de la sécurité lancée par Comeos et à laquelle participera le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, ainsi que la justice. Le vol à l'étalage est donc un fléau qui a toujours existé, seulement ce problème aussi vieux que le commerce prend aujourd'hui de telles proportions que les commerçants peinent de plus en plus à y faire face. Alors, au-delà des vigiles, des systèmes d'alarme, vous imaginez aujourd'hui vous achetez vous avez 20 systèmes d'alarme sur une veste. Oui. C'est fini. C'est ça. Cela dit, si les commerçants. Le problème, c'est qu'il faut une demi-heure pour sortir du magasin, le temps que la fille enlève toutes les antivols sur les jambons maintenant. Sur Internet, en fait, on voit qu'on peut apprendre à retirer les antivols. Ah bon ? Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus. Allez, donnez le site, Catherine. Non, j'ai entendu ça ce matin. La dame dit elle a beau avoir tous les systèmes qu'elle veut, même les vols à l'étalage, elle est obligée de regarder après coup. Alors, il suffit de supprimer les étalages. Déjà, l'an passé, le baromètre global du vol dans le retail, réalisé donc par The Smart Cube pour Checkpoint. Oula, c'est un vrai stuff. C'est un bossé aujourd'hui. Charlie. C'est indiqué en tout cas qu'en Belgique, la démarque inconnue représentait en moyenne 1,19% du chiffre d'affaires, alors que la moyenne européenne est à 1,05%. Selon ce baromètre, il faut savoir que sur les 927 millions d'euros de pertes de revenus, contre 880 millions l'année précédente, 445 millions d'euros sont dus au vol à l'étalage. C'est énorme. Ah, quand même. Donc une commerçante du City 2 annonçait des chiffres effrayants concernant le vol en magasin et d'après elle, ces vols ne sont plus de simples chapardages, mais le fait de bandes organisées contre lesquelles bien le personnel ne peut quasi rien faire à part constater le vol après coup et chiffrer donc ces fameuses pertes. Et pour remédier à cela, il y a cette semaine nationale de la sécurité, les parquets d'Alvilvoorde, de Tongres, de Peine et d'Asselt traiteront tous les dossiers liés à la criminalité en magasin le même jour. Mais c'est pas tout marqué. Oui, c'est ça, c'est partout sauf à Wallonie. Et à Bruxelles, ils se plaignent encore des vols de nuit. Oui, mais donc voilà. Donc cette semaine, abstenez-vous. Moi, j'écoutais une excellente émission ce matin à la radio dans mon véhicule. Oui. Et c'était on justement sur le vol en magasin. Il y a une dame, justement, qui avait un magasin de pense de souvenirs ou d'objets à City 2 qui disait, écoutez, parfois les journées sont dures parce que j'avais un très bel objet dans mon c'est magasin. C'est Jean-Marc Mandini. Un vase en cristal qui valait, à l'époque, 40 000 francs belges. Et bon, oh, alors, c'est précis, ce show, oui, elle vendait des chinis, comme on dit, avec, des petits gadgets gadgets et tout ça. Et on lui avait volé son vase, donc son petit chiffre d'affaires, moins 40 000... Ça fait mal au portefeuille, on pense aux commerçants. Et puis moi, je pense à tous ceux qui volent aujourd'hui pour manger. Vous imaginez ? Il y a de plus en plus de gens qui volent pour manger. Alors que c'est manger. Oui, mais il y a des gens qui se font juger pour manger. On salue les voleurs. On salue personne, monsieur. Le problème malin de ces larcins, c'est que les objets qu'ils volent, ils les vendent peut-être, je ne sais pas moi, parfois. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes qui rachètent sont aussi condamnables que celles qui volent. Oui, bien sûr. Tout à fait. Bon, intéressons-nous à celle qui est plus vieille que vous, Raoul. Qui ça, Lynn Renault ? Catherine Ringer. Ah ! Rita Mitsouko avec le petit train. Alors, de quoi s'agit-il ? SNCB. Des grèves. SNCB, effectivement. Ils sont pas contents pour le repoussement de la pension. J'invente un mot. Je trouvais que c'est un beau mot. Repoussement. Je pense que chaque jour, il faut inventer un mot. Repoussage. Comme les réseaux sociaux, il faut inventer des nouveaux mots. Et le repoussement, je trouve que c'est bien. Voilà. Alors, le repoussement, non, ce n'est pas ça. On s'est rendu compte qu'on n'allait pas plus vite aujourd'hui en train qu'à l'origine. À l'origine de la création de la machine à vapeur. De l'homme, ouais. Effectivement. La vitesse commerciale moyenne des trains de la SNCB a diminué de 2,9 km/h entre 2013 quand il roule. Et 2015. Effectivement, quand il roule, c'est ce qui ressort des chiffres du ministre fédéral de la mobilité, François Belot, communiqué donc à la Chambre. C'est ce que rapporte pas mal de quotidiens aujourd'hui. La liaison, par exemple, Bruxelles-Charleroi est la plus lente du pays, avec une vitesse commerciale de 63,1 km/h, en baisse, tenez-vous bien, de 9,3 km/h entre 2013 et 2015. Parce que ça monte. Parfois, je me fais dépasser par des vélos. Quoi. Ouais. Avec une bonne mobilette un peu trafiquée, voilà, c'est fait. Ça à l'aise. Alors, la diminution la plus importante concerne l'axe Liège-Namur, sur lequel la vitesse a chuté de 16,2 km/h. C'est à cause des suicides. Non, c'est à cause des travaux. Il y a énormément de travaux, donc tout est au ralenti. Et en plus de ça, comme ça ne roule pas, ça n'aide pas. Ils ont pris 45 ans pour faire la gare. Ça fait mal. En tout cas, merci à ceux qui ont fait des recherches pour avoir des chiffres aussi précis. Je trouve ça. C'est le type qui prend le train pendant un an. Non, c'est pas ça. C'est le type qui attend sur le quai que le train arrive. Et là, pendant une semaine, le train n'arrive pas. Et il est là, il se dit, il va arriver un jour, et donc ils sont obligés de faire une moyenne. Je me demande d'ailleurs si cette moyenne prend en compte les grèves. Parce que du coup. Non. Bon, on va passer à la suite, tiens, justement. Vous inscrivez et on s'intéresse à l'actualité du jour. Avec le qui a dit qui aurait pu dire mes sources. Je ne sais pas si j'ai bien fait. À vous de déterminer parmi les propositions que nous vous ferons ce mardi 18 octobre qui a la bonne réponse parmi Pierre Charette, parmi Catherine Ronvaux, parmi Michael Albas, Paul Mosseret ou Raoul Reyers. À vous de déterminer. Inscrivez-vous au préalable en envoyant donc ces trois lettres CPS au 6031 75 centimes. Le message, nom, prénom et adresse. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Et dans la suite, l'arrivée de Jean-Marc Morodini. C'est ce qu'il aurait pu se dire, tiens, en arrivant sur iTélé. Je ne sais pas si j'ai bien fait. On en parle, tiens, de Jean-Marc Morodini tout de suite sur la première avec Michael Albas. Donc même moi, je ne sais toujours pas si je vais le faire. Et ce con de Morandini, hier matin, exclusivité, Patrick Sébastien présente les fêtes de la musique. Alors que même moi, je ne sais pas. C'est pour te dire quand même la conscience journalistique. Il doit avoir une carte de journaliste, ce mec, quand même. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Et top. Vous pensiez que le temps ne pouvait pas s'acheter ? Détrompez-vous. Vous pourrez enfin rentrer plus tôt chez vous. Pour votre administration sociale, faites confiance aux experts de Groupe S et profitez de plus de temps pour faire ce qu'il vous plaît. Découvrez l'offre multiservice de Groupe S. Rendez-vous sur plusdetemps.be. Groupe S, votre secrétariat social. Avec Engie Electrabel, vous vivez mieux l'énergie jour après jour. Même s'il y a des dépenses que vous préférez faire plutôt que d'autres. Waouh, t'as une nouvelle tenue ? Ouais, c'est joli, hein ? Bah ça, c'est grâce à Box. Grâce à qui ? Grâce à Box. Tu connais pas ? Économiser sur votre facture d'énergie, c'est simple avec Box, le cerveau digital de votre maison. Découvrez maintenant les avantages uniques du pack Énergie plus Box sur box2x.be. Engie Electrabel. Vivons mieux l'énergie. Investissez maintenant chez Bing. Parce que chez Bing, vous êtes bien informé pour décider seul et en toute confiance de ce que vous faites de votre argent. Bing. parce que c'est votre argent. Nous accueillons Cyril un week-end sur deux pendant les vacances. Au début, c'est vrai, il faut apprendre à se connaître, être patient, mais très vite, c'est la magie qui opère. On se rend compte qu'il fait partie de la famille et que nous faisons partie de la sienne. Être parrain ou marraine, c'est créer du lien. C'est donner un peu de son temps pour aider un enfant en situation précaire en Belgique. Contactez l'ASBL ICO au 02 538 51 35 ou parrainage.be. Ici, oh ! La première, la 3 et le Festival des Libertés présentent Alborosi, Dabin, Collectif 13 et Boulevard Désert, Ojos de Brojo, Michael Franti, DJ Shadow, mais aussi Azafa Vidane en formule solo acoustique. Du 20 au 29 octobre au Théâtre National. Festivaldeslibertés.be. Prévente, Fnac et Ticketmaster. Une organisation de Bruxelles Laïque avec Le Soir et le Vifle Express. La première, Mobile Info. Et à 16h20, Pierre Collard-Bovy va-t-il bien? Apparemment pas. Je prends mon temps pour vous répondre. Ah, il prend son temps. Bien à l'aise. Vous avez raison, vous avez raison. Prenons notre temps. Et justement, est-ce que sur la route, on prend son temps? Pour dire que tout va bien, mais tout va pas très bien sur le 403 Bruges, tourné à hauteur de Blandin. Des travaux vous ralentissent assez considérablement, puisque vous mettez 40 minutes de plus pour rejoindre Tournai. En plus, un accident s'est produit sur le 429 en direction de Halle. Donc tout ça est un peu le chaos. Un accident sur le ring de Bruxelles en extérieur, à hauteur de Villevorde. La bande de gauche est neutralisée vers Grand-Ville. Bigard. Quant au ring lui-même, eh bien, les temps de parcours, 34 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 31 minutes pour l'intérieur au titre Grand Bigard, plus 21 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Lenard, plus 18 pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem, plus 15 pour l'extérieur Carrefour Lenard Zaventem, plus 13 pour l'extérieur Grand Bigard au titre, ce qui veut dire que le ring est vraiment bien encombré. Un véhicule en panne sur le 40 Bruxelles-Liège à hauteur d'Everberg en direction de Liège. Accident sur le 429 tourné, Halle, on vient d'en parler, à hauteur de Froyenne, la bande de gauche est neutralisée. Il y a en direction de Halle, il y a pas mal de fils évidemment. Et puis un objet encombrant sur le 313 Liège-Anvers entre Votem et Liers. C'est la bande de gauche est encombrée en direction d'Anvers. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Ils sont tous presque sérieux autour de la table. Vous l'êtes également. Vous rentrez à la maison. Vous avez pris congé aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes dit il fait mauvais? C'est vrai que le temps joue sur le moral. C'est une bonne raison. Bah oui. Vous appelez votre patron. Vous dites aujourd'hui je viens pas. Patron, il pleut. Oui. Alors c'est soit vous avez gagné le million, là vous l'appelez pas. Ou alors. Si, c'est justement c'est là que vous l'appelez. Tiens, Mickaël Albas. Rarement un transfert aura fait couler autant d'encre aussi bien au sein qu'en dehors d'une rédaction, mais c'est désormais une réalité. Jean-Marc Morandini fait partie de la chaîne d'information. Information ITL, information Morandini. L'occasion de revenir donc sur le transfert de l'automne, n'est-ce pas? Eh oui, depuis l'annonce de l'arrivée de Morandini, tout le monde est au garde à vue au sein de la rédaction d'ITL. Si bien que 84% des journalistes de la chaîne ont voté la grève. Et pourtant, hier soir, il était bien à l'antenne, Morandini, en verge et contre tout. La raison de cette présence est simple. Hein. Devant le refus d'obtempérer de sa rédaction, le patron de la chaîne a décidé non pas de discuter, mais de mettre en place une clause de conscience. En gros, on savait depuis l'histoire du yacht que Bolloré était copain avec Sarkozy, mais là, il a carrément décidé de pomper son discours. Ma chaîne, tu l'aimes ou tu la quittes. Propriétaire d'ITL depuis bientôt 2 ans, il semble que Vincent Bolloré se soit enfin décidé à la regarder et se soit dit « ils m'osoulent avec leurs infos sur les guerres ben ». C'est vrai que c'est ennuyeux si rien ne bouge. Ce qu'on veut, c'est Morandini. Mais c'est vrai, quoi, il y en a marre d'annoncer des morts, de dénoncer des scandales politiques. On se fout de Charlie, mais on veut les larmes de Jeannette Bougrab, parce que tout le monde se lève pour Jeannette. Au diable, l'AFP, on veut des dépêches mode. L'info, c'est chiant, on veut Kardashian. Qui même me suivent. Mais jusqu'où on va aller comme ça? Ah ben j'espère pas trop loin avec vos jeux de mots. Bon déjà, Morandini qui revendique sa place sur une chaîne info, c'est un peu comme si un milliardaire peroxydé sans aucune expérience politique briguait la Maison Blanche. Ça n'existe pas. Non. Le rôle d'une chaîne info est d'informer. Or, il suffit de jeter un œil sur le blog de Morandini pour se rendre compte que celui-ci est essentiellement composé de rumeurs et d'infos people sans doute trouvées en fouillant les ordures des managers de moins de 50 ans. Les articles comptent tellement de fautes d'orthographe que même Sud Presse peut se gausser, malgré leur site haut débile. Oui, c'est d'ailleurs à se demander s'il a aussi fait pas travailler des mineurs. Devant l'ampleur du scandale, ses autres employeurs ont décidé d'attendre l'issue du procès avant de se prononcer. Même Énergie 12, chaîne pourtant pas branchée éthique, dont la plus grande fierté est d'avoir découvert Nabila, qui n'était déjà pas très couverte à la base, a décidé de le couper au montage. C'est dire si Bolloré croit en l'innocence de son ami, ou plutôt au buzz que génère son arrivée. Et ce n'est pas par hasard si la presse débite pas mal sur la question. À force de... Vous avez l'esprit mal tourné. Non. À force de copiner, Bolloré montre qu'il est prêt à sacrifier sa rédaction au risque de tuer la crédibilité de son groupe média. Finalement, c'est dans la continuité. Rappelons que depuis son arrivée, il a privilégié les émissions qui évitent aux téléspectateurs de réfléchir. Le Petit Journal est devenu aussi subversif qu'un épisode de Joséphine Ange Gardien et Les Guignols aussi drôles qu'un épisode de Joséphine Ange Gardien. Résultat, aujourd'hui, personne ne rassemble moins de gens que Canal, à part bien sûr la Manif pour tous. Alors vous me direz, c'est son argent à Bolloré, il en fait ce qu'il veut. C'est vrai. Sauf que là, on parle de justice. Et la présomption d'innocence, alors ? C'est encore vrai. Sauf qu'au-delà de cette affaire judiciaire, il y a les faits. Morandini est le producteur de cette superbe web-série Les Faucons, dans laquelle de jeunes garçons montrent leur petit oiseau. Ce qui est déjà assez gênant pour une chaîne connue pour sa qualité. Pour le reste, le très gros reste, peut-être sera-t-il innocenté. On a pu s'apercevoir récemment que même quand on a un QI de 83, on peut se sortir de situations bien compliquées, à condition de pouvoir s'offrir les services de maître, d'un bon avocat. Maître Gims. Oui, c'est ça. Mais au fond, qu'il soit innocent ou pas, peu importe, le mal est fait. On critique souvent les journalistes, mais quand ils veulent faire leur boulot en toute intégrité, on leur montre la porte. Même là où l'info devrait primer, c'est grosse marge ou crève. Le profit avant tout, et comme dans le métier, les places sont chères, les indemnités de départ ne pèsent pas bien lourd. Bref, d'ici demain, la grève sera peut-être terminée, n'aura sans doute servi à rien. Une tempête dans un gobelet d'eau. La chaîne qui va bientôt s'appeler CNews distribue des C4. Et si on introduisait une clause de mauvaise conscience, Bolloré n'aurait sans doute pas plus de mal à s'endormir, à part peut-être sur ses lauriers. Eh ben voilà, c'est une chronique signée Michael Elbaz que vous allez pouvoir retrouver sur le rtbf.be/ovio. On embrasse Monsieur Bolloré, si bien j'étais sûr. J'étais direction d'ITélé, j'engagerais des stagiaires pour casser la grève. Ah, ça ferait beaucoup plaisir à Morandini. Oui, c'est ça. Oui, à l'autre solution, il n'engage que les filles. Ouais. Bon, allez, Raoul, tant que vous avez la parole, c'est à vous. C'est parti. Ça fait du bien. Que se passe-t-il sur l'Internet ? Eh bien, je vais vous dire une chose. Les Islandais sont quand même vachement plus cool que nous. Bah oui. Fermez les yeux et imaginez. Oui. Allez-y, fermez les yeux. Et imaginez bien. Des fjords. Non, Maggie de Bloch allaitait un enfant en faisant un discours au Parlement. Eh bien, je dis Maggie de Bloch, mais j'aurais pu dire Elke Sleu ou Lisbeth Omanz. Eh bien, une députée islandaise l'a fait en discourant comme ça, bien à l'aise, alors que le petit sirotait son 4 heures devant le Parlement. Ouais. Ouais. Bien à l'aise, vous parlez d'une à l'aise. Elle a déclaré, je devais soit décrocher la petite et la laisser en pleurs avec le député à ses côtés de moi, ou la prendre avec moi. J'ai pensé que ça causerait moins de dérangement si je la prenais avec moi. Et tout s'est bien passé. C'est dingue quand même. Imaginez Jean-Charles Luperto. Oui, non. On a déjà parlé de Morandini, c'est bon, on a le quota là. C'est le Siegfried Braque de local qui a dû se rincer l'œil. Je peux ? Non, parce que vous allez me piquer avec votre belle moustache. Non, de quoi je m'amène ? Ah oui, c'est ça. À la buvette, s'il vous plaît. Bon, une autre info, Raoul. On reste en Islande. Allez-y. Angelina est désormais un prénom permis en Islande. Vous savez que là, en Islande, on déconne pas avec les prénoms que les gosses ne se fassent un peu moquer à la récréation. Donc il y a 11 nouveaux ajouts, dont Angelina, avec un accent pour faire local. Et il y a aussi Luna, Hofdis ou encore Eilif, qui sont là aussi des prénoms féminins. Mmh. Et en masculin, il y a Eijar, pas Ajar, Eijar et Kiran. Ouais. Et donc, c'est juste pour protéger les enfants des colibés. Genre Raoul, ça les ferait se tordre de rire. Alors, Brian, Brandon, ça va? Bruce Lee, et imaginez... Harley Davidson. Une... Donc, ah oui, alors il y a le problème du nom de famille. Oui. Donc, par exemple... Angelina Jolie, c'est moche, par exemple. Donc, si un homme se prénomme Sigurdur... Hein, se nomme Sigurdur, ses fils de se la nommeront feuille. Sigurdursson. Ah oui, oui, bien sûr. Hein, et ses filles, Sigurdar Dottir. Pour les filles, c'est Dottir à la fin. Oui. Et donc, imaginez la petite fille qui arrive en Belgique et qui entre en troisième primaire à l'école communale de Sherat Hauteur. Comment t'appelles-tu, ma petite ? Eilif Sigurdar Dottir. Pourquoi ça vous fait rire ? C'est dingue. Hein. Mais c'est bien l'Islande. Je trouve qu'ils protègent leur patrimoine. Et dans la suite, on va s'intéresser... Et ils virent leur banquier. À l'actualité avec Sophie Léonard, 16h30. On a pris un peu de retard, mais on le rattrapera. Le qui a dit également qui aurait pu dire « Je ne sais pas si j'ai bien fait. » On vous fera des propositions et la clé pour vous. L'agenda de Kroll en petit format, ainsi qu'un bic couleur de la première et un chargeur USB. Faites-vous plaisir, inscrivez-vous CPS au 60 31 75 centimes le message. Allez-y, on revient juste après ceci. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. En octobre, au Bon Repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Parce que les bons comptes font les bons couples, nous avons créé le Confort Pack, la solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Hello, c'est Hip. Il y a encore des offres de génie incroyables dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour, comme la PlayStation 4 1 Tera avec le tout nouveau jeu Call of Duty Infinite Warfare pour seulement, bam, 365 euros. Et cette offre se termine déjà aujourd'hui. Dépêchez-vous. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Nicolas, arraché tragiquement au sien par un malheureux accident de la route. Voici ses derniers mots. J'arrive dans 5 minutes, réchauffe le poulet, hashtag miam. Écrire un message au volant, c'est peut-être écrire ses derniers mots. Alors restons concentrés sur la route. Une route plus sûre, tous usagers, tous concernés. Une initiative de la WSR, l'agence wallonne pour la sécurité routière. La première présente Alex Vizorek dans Alex Vizorek est une œuvre d'art. Le phénomène de l'humour belge vous emmène dans un univers flamboyant où Magritte, Ravel et Visconti côtoient Pamela Anderson et Luis Fernandez. Sa mission, vous faire rire en vous apprenant, à moins que ce ne soit l'inverse. En tournée à Braine-l'Alleud, Bruxelles, Liège et Mons. Info alexvizorek.com. Un événement Kings of Comedy. La première présente au 140, Dak Dollars. Des poétesses punk. Six hallucinantes ukrainiennes multi-instrumentistes jouent et chantent l'insoumission. Freak Cabaret, c'est au 140, les 18 et 19 octobre, avec le soir. La première. 16h31. Et pour nous informer, vous informer, Sophie Léonard, bonjour. Bonjour à tous. Quatre inculpations après un coup de filet antiterroriste en Flandre. Quatre personnes ont été inculpées pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Ce sont 15 perquisitions et arrestations qui ont été menées ce matin dans plusieurs villes, notamment à Anvers et Gand. Parmi les inculpés, certains sont suspectés d'avoir voulu recruter des personnes pour qu'elles se rendent en Syrie en vue d'y rejoindre l'organisation terroriste État islamique. Les parlementaires ont voté la confiance à Charles Michel, le Premier ministre. Un vote de confiance après les débats hier sur la déclaration de politique générale. Vote sans surprise, majorité contre opposition. L'Union européenne donne à la Belgique jusqu'au sommet européen de vendredi pour dire oui au CETA. C'est en tout cas la conclusion de la réunion qui se tenait aujourd'hui au Luxembourg. Les ministres du commerce des 28 s'y trouvent en ce moment. Le vice-premier ministre Didier Reynders affirme que des négociations sont toujours possibles durant le sommet et même peut-être après, des titres qui seront développés dans vos journaux de 17 et de 18h. Avant cela, on retrouve C'est presque sérieux. Merci Sophie. Retour de l'information dans moins de 28 minutes maintenant, 17h d'ici là. Oui, restons presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Nous prenons la direction de Zélik, non loin de la capitale, avec Géraldine qui est enseignante. Bonjour Géraldine. Bonjour. Oh, bon, bah, comment allez-vous? Bonjour. Ah, ben bah, écoutez, je vais extrêmement bien. Je suis très heureuse de vous avoir au bout du fil. Eh bien, nous sommes ravis également, ma chère Géraldine. Du côté de Zélik, vous venez de quitter le travail? La journée s'est bien terminée? Alors, oui, la journée était rude. Hein. Je suis effectivement enseignante et je quitte le travail avec. Le plaisir de vous avoir, je vous avoue. D'accord. On a eu peur. Ah, mais vous savez qu'on pourrait venir dans les écoles et faire des émissions dans les écoles toute la journée. Oui, avec Jean-Marc Morandini. Des cours de rire. Il en faut. Géraldine, enseignante, je le disais, à Zélik, et l'actualité que nous allons vous proposer aujourd'hui. Et cette phrase, qui aurait pu dire « Je ne sais pas si j'ai bien fait ». Ah. Voici vos propositions. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Raoul Reyes. Eh bien, c'est Yann Yambon, ou Jambon, ou Yambon. Enfin, ouais. On dit comme on veut. Lors de sa visite à City 2, à propos des vols en magasin, il a déclaré en sortant du complexe de magasin, « Je ne sais pas si j'ai bien fait, parce qu'on m'a quand même volé mon portefeuille. Ouais. » Yann Yambon. Oui. Je ne m'imite pas bien l'accent. Mais Géraldine sourit, elle n'y croit pas du tout. Bah, enfin, Géraldine... En fait, je souris d'autant plus que j'enseigne le néerlandais. Donc, au niveau de l'accent, il y a quand même un Oui, c'est ça. Voilà, Raoul. Voilà, et bim. Ouais. Fallait écouter la verte. Alors, on va demander à Pierre Charette. Pierre Charette, qui aurait pu, pour Géraldine, dire « Je ne sais pas si j'ai bien fait ». C'est Anne Pinjot, la Valérie Trierweiler du XXe siècle, qui a déclaré ça à propos des lettres de François Mitterrand. Ah bon, elle tweetait moins quand même. Michael Elbaz, je ne sais pas si j'ai bien fait. Eh bien, c'est Couillard, Philippe Couillard, le premier ministre du Québec, qui se dit qu'il n'aurait peut-être pas dû soumettre le traité CETA à Paul Magnette, et qui porte bien mal son nom, parce qu'il n'adhère pas cette fois-ci. Et quand on sait que le traité comporte plus de 1000 pages, on ne peut s'empêcher de se dire qu'il ne l'a pas lu, mais qu'il est contre pour embêter Charles Michel, qui lui non plus ne l'a pas lu, mais est contre pour embêter Paul Magnette. Voilà. Catherine Ronvaux, je ne sais pas si j'ai bien fait. Je vais vous surprendre, ce n'est pas Candinège. C'est qui ? Eh bien, c'est Reine Mathilde. Ah bon ? Oui, ah. Suite à l'achat d'un kimono pour roi Philippe au Japon, elle a dit « Je ne sais pas si j'ai bien fait, il ne lui faut déjà pas ça ». Ah oui, d'accord. Okay. Un kimono pour aller au terme. C'est pratique, effectivement. Paul Mosseret. Non, il s'agit d'un brave vétérinaire du bassin liégeois qui avait pris l'habitude de rencontrer ses clients dans sa salle de sport préférée, son Basic Fit pour ne pas faire de publicité, pour vendre ses anabolisants pour chevaux et qui entraînait évidemment la fermeture de celle-ci. Ces sportifs, ils sont peut-être fit-fit, mais pas très fut-fut. C'est vrai. Alors Géraldine. Bon, si on écarte Yann Yambon, on s'entend bien. Si on le met de côté. C'est une phrase de Paul Magnette. Si on le met de côté, puisque vous n'y croyez pas, il reste Anne Pinjot, Philippe Couillard, la reine Mathilde ou ce fameux vétérinaire. Qui aurait pu prononcer cette phrase ? Je ne sais pas si j'ai bien fait. Alors, là, j'hésite. Alors, Couillard, c'est un nom qui est autorisé, ça, en Islande ou... Non, c'est pas autorisé en Islande, ce serait Couillardson. Il est québécois, donc il s'en fout. Non, Couillardson. Non, Couillardson. Oui, Couillardson. Ouais. Juste. Couillardson. OK. J'hésite très sincèrement. La deuxième proposition que vous m'aviez faite était Anne Pinjot. Anne Pinjot. Comme les bagnoles. Très sincèrement, j'ai un énorme doute. J'ai besoin d'aide. Au secours. Alors, attendez. Anne Pinjot, c'était quand même la fille de Mitterrand. Attendez. Non. Quand un élève dans votre classe cale en néerlandais et vous appelle au secours, que faites-vous ? Ça dépend si c'est mon élève préféré ou pas. Il fallait mieux étudier. Géraldine a un élève préféré. Qui s'appelle comment ? Il s'appelle comment ? Comment il s'appelle ? Non, très sincèrement, on est trop au début de l'année, donc j'ai pas encore. Et qu'est-ce qu'il va chanter ? Ah, c'est ça. Géraldine, je vous aide. Oui. Je vous aide en disant que. On était un peu en retard tout à l'heure. Et voilà. Je vous aide. Comment gagner du temps ? Je vous aide en disant que c'est Anne Pinjot. Alors, vous nous dites quoi du coup ? Ah ben, je pense que je vais dire. J'hésite. Pinjot ? Pinjot, c'est gagné seulement. Quelle séduction ! Anne Pinjot, celle qui est donc délibérément restée dans l'ombre pendant les 33 ans qu'a duré sa liaison secrète avec l'ancien président français, s'est confiée donc à l'historien Jean-Noël Jeannenet. C'est lui qui l'a persuadé de publier cette correspondance de plus de 1200 missives, parfois enflammées, lettres à Anne de 1962 à 1995 chez Gallimard, 10 ans après la mort de François Mitterrand. François Mitterrand était marié et père de 2 fils au moment de leur rencontre en 62. Et elle déclare « Je ne sais pas si j'ai bien fait ». C'est ce qu'elle confie à propos de cette publication, de ces centaines de lettres que lui a adressées François Mitterrand. Alors, moi, je me demande si ce n'est pas une opération de com' pour encore plus vendre. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Vous savez, ce qui est à l'intérieur est tellement croustillant que j'ai un peu honte. Alors du coup, vous faites quoi ? Vous allez en librairie, vous l'achetez. Je ne sais pas si j'ai bien fait de mettre les photos. Donc, c'est gagné pour Géraldine. En fait... Voilà. Elle était dans l'ombre, mais il y a déjà des photos des deux ensemble, début des années 70. Oui, mais bon, vous savez, on disait rien. Président, il fait ce qu'il veut. Photomontage. Pas Facebook. Hein. C'est donc gagné, Géraldine. On vous envoie l'agenda de Kroll en petit format ainsi qu'un chargeur USB et un bic aux couleurs de la première. Vous souhaitez encore autre chose ? Eh bien, c'est génial. Je voulais juste passer un petit message. En fait, j'avais une question vraiment très importante. Comment se fait-il qu'à chaque fois que Raoul prend la parole, je suis certaine que ce qu'il va dire, C'est une connerie. Un peu particulier. Je ne sais pas le dire. L'habitude. Alors, je vais vous expliquer. Cette émission est préparée. Tout est affûté par ordinateur. C'est une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, on a un programme qui nous permet instantanément, par exemple, là maintenant, Raoul Reyers. Bonjour. Voilà. On sait exactement ce qui va se passer. Ah oui, tout est écrit. Tout est scripté dans cette émission. D'ailleurs, vous avez gardé la feuille avec ce que vous deviez répondre quand même. Le sketch avec Pinjot et tout ça. Hein, Géraldine? Oui, bien sûr. Mais je vous enverrai un bonnet d'âne hein, pour la prochaine pour Raoul, fois. Pour hein. Qui? Ah, pour qui? Pour, pour qui? Pour qui? Pour qui? Ah oui, pour, ah oui, pour le néerlandais. Ah oui, mais ça, écoutez. En tout cas, on vous embrasse, Géraldine. Restez comme vous êtes. Et tiens, d'autres cadeaux qu'on va vous proposer si vous aimez rire et voir le spectacle, par exemple, de Baptiste Le Caplain le samedi 22 octobre à 20h au Trocadéro à Liège dans le cadre du Vous Rire Festival. Eh bien, c'est le moment, c'est l'instant. Il suffit d'envoyer Baptiste, suivi de votre nom, prénom et adresse complète, au 6031 75 centimes le message. Les gagnants seront prévenus personnellement donc pour aller applaudir Baptiste Le Caplain. Ah, il faut être voilà, il faut savoir écrire Baptiste. Mais non, déjà à primo. Ah oui. Et puis faut être fan parce que c'est un humour particulier Le Caplain, ça décape hein, comme dirait l'autre. Mmh. Donc voilà, et tiens, on rajoute en même temps Je vous écoute, une pièce avec Benabar et Sarah Biasini. Ah ouais, Mick, non, le dimanche 23 octobre. Ça mérite une clé USB en plus parce que ça personne va envoyer de Liège là. Dans le cadre toujours du Vous Rire. Donc vous envoyez ou Baptiste ou Benabar et vous irez au Vous Rire. Ah, Benabar ne chante pas. Non, ça va alors. Donc voilà, faites-vous plaisir. Bon, en attendant, si on s'intéressait aux IG Nobels, oui, vous avez remarqué à quel point j'ai des filtres comme ça. Et des moments, je n'entends plus ce qui se dit. Voilà. Et je continue. Je suis sur ma lancée. J'ai quitté le plateau. Parce que Michael hurlait la dernière. Un anti-albasse. Je ne l'ai même pas entendu. Vous avez coupé mon micro. Paul Mosseret, c'est à vous. On parle des IG Nobels. On n'a pas besoin de télévision, nous. On a mieux que ça. On a notre imagination. Et dimanche, nous avons eu droit à la grande messe gouvernementale avec comme conclusion d'une semaine de négociations. Bah, le gouvernement a décidé de ne pas décider. Voilà. Et ouais, bah c'est assez terrible hein, quand même, hein, tout ça pour ça. Et c'est marrant parce que j'ai découvert ce week-end sur l'excellent site internet de la RTBF encore une étude pleine de bon sens qui met en perspective bien des problématiques gouvernementales puisqu'on y apprenait que la créativité et la maladie mentale avaient des racines communes. Alors ça m'a fait marrer parce qu'un autre article de ce même excellent site de la RTBF faisait également état du peu de créativité du gouvernement pour boucler le budget. Il s'agirait donc plutôt d'une maladie mentale. Alors, je pense qu'effectivement, couper dans les soins de santé alors que Maggie avait dit non, c'est plutôt de l'ordre de la folie. Moi, si De Blocq me dit « touche pas », moi, je ne touche pas. Mais bon, bien que pour une fois, je suis d'accord avec elle, voilà bien la seule audace de ce gouvernement qui manque cruellement d'imagination. Non, mais je pense que nous ferions bien de faire preuve un peu plus de créativité, donc finalement d'un peu plus de folie aussi. Et quand il s'agit de folie, eh bien, on a toujours envie de s'inspirer de nos copains américains. Car nos amis outre-Atlantique, forts de leur expertise en conneries, se sont fait, une nouvelle fois, arbitres du monde de la presque bonne idée, si j'ose dire, en organisant pour la 15e année la remise des prix IG Nobel, lisez Ig Nobel, hein, donc un petit clin d'œil au prix Nobel auquel on ajoute le préfixe IG pour former le mot ignoble, ignoble donc en français. Il s'agit d'une cérémonie qui récompense les réalisations qui font d'abord rire les gens, puis les font réfléchir. Alors c'est très sérieux, hein. C'est d'ailleurs organisé par la très renommée université de Harvard, et c'est d'ailleurs pour cette circonstance que Alexander De Croo devait se rendre à l'université pendant les négociations. La candidature de la Suédoise n'a malheureusement pas été retenue, les organisateurs jugeant l'accord gouvernemental certes très drôle, mais ne faisant pas assez réfléchir. Bref, je me propose de vous expliquer, de vous exposer un peu le palmarès de toutes ces réalisations folles et ou créatives, et qui sait, ça va peut-être inspirer notre gouvernement. Si, par exemple, notre Premier ministre s'inspirait de ces deux lauréats de l'Ig Nobel de biologie, ces deux Britanniques tellement amoureux des animaux qu'ils les ont étudiés en vivant comme eux, c'est-à-dire dans un terrier, en se nourrissant de vers de terre comme un blaireau, une loutre, un cerf, oh, ou petit. En milieu d'un élevage de chèvres, je vous invite d'ailleurs à aller voir les photos, c'est assez flippant. Peut-être une immersion de Charles Michel dans un milieu de travail hostile avec un horaire flexible de 45 heures semaine pourrait ramener un peu de créativité. Ou encore si Chris Peters avait eu l'audace de ses étudiants américains, lauréats de l'Ig Nobel de la paix, pour leur étude universitaire sur la réception et la détection du baratin pseudo-profond. On y apprend pourquoi des discours sans intérêt, approximatifs et abscons peuvent néanmoins parfois sembler intéressants. Ça aurait permis de gagner pas mal de temps en négociation avec la NVA. Mais rassurez-vous, monsieur De Croo, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à Harvard puisque les bonnes idées viennent aussi de chez nous. Et là, petit cocorico, puisque Ig Nobel de psychologie revient à une équipe internationale dont la Belgique fait partie pour une étude sur la cartographie évolutive du mensonge en fonction de l'âge. Alors ce prix leur a été attribué haut la main, surtout pour avoir mené une étude auprès de plus d'un millier de menteurs à qui on a demandé s'ils mentaient souvent, tout en décidant de croire en leurs réponses, hein, c'est quand même pas mal. Et ensuite, encore une belle source d'inspiration, je voudrais souligner la mention spéciale et posthume pour feu l'urologue et proctologue égyptien Ahmed Shafik et ses études au sujet des effets que produisent le port de pantalons en polyester, coton ou laine sur la vie sexuelle des rats et via une série d'essais similaires sur celle des hommes. C'est alors, vrai. Aucun lien avec le gouvernement, mais l'idée de voir des rats avec des petits pantalons en simili-cuir sur mesure, je trouve que c'est une image pleine d'espoir pour l'humanité. Et verdict, eh bien, les vêtements en polyester pourraient avoir un effet préjudiciable sur l'activité sexuelle humaine, donc Walid Letra Training Sergio Tacchini à pression, il vaut mieux essayer d'éviter, mais vous faites ce que vous voulez de cette information. Petite rectification, c'est deux crèmes qui devaient aller à Harvard. Ah, deux crèmes, autant pour moi, oui. Ouais, parce que De Croo, lui, il est partout ailleurs. Autant pour moi. La crème de la crème. Enfin, si le prix Ig Nobel de littérature a finalement été remis à un entomologiste suédois pour son autobiographie en 3 tomes sur sa passion pour attraper les mouches, nous on notera tout de même la nomination de notre suédoise pour leur autobiographie en 3 tomes sur leur passion pour enculer les mouches. Je voudrais d'ailleurs finir cette citation avec cette citation de Charles Michel que vous avez probablement relevé et qui en dit long sur la créativité de notre gouvernement. Avec toutes les réformes que le gouvernement a réalisées, je n'ose pas imaginer ce que cela aurait été si j'avais eu de l'expérience. Je vous laisse imaginer s'ils avaient eu du talent. Il a vraiment dit ça. Ah oui, absolument. J'ai raté ce sketch. Malheureusement. Ah bah. Oh bon bah tiens, dans la suite. Dites, je viens de m'apercevoir d'un truc. Les Flamands, ils ont quand même beaucoup de noms de nourriture. Jambon, ouais. De crème, de croc, comme les dents. Comme les épices. Oui. Oh oui, non. À quoi ça sert que du coup c'est des carcasses comme les cascades. Alors je rappelle et Géraldine, vous êtes content. Rappelez-nous. C'est ce que je voulais dire. Et voilà, il me l'a enlevé de la bouche. Alors, merci. Tiens, dans la suite, on s'intéresse à l'histoire et puis on aura droit à Catherine Ronvaux qui nous parlera des politiques et comment bien parler de nos politiques. Et on s'y intéressera dans la suite. Restez presque sérieux sur la première. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. La première présente le concert 100% Sounds for Research en faveur de la recherche contre la leucémie. Avec Puggy, Les Innocents, Cocoon, La Grande Sophie, Musti, Soul, Nicolas Testa, Hollywood Porn Stars et d'autres surprises. Le 27 octobre à la Madeleine à Bruxelles, en présence de Virginie Efira et François Damiens. Info et tickets, concert100%.be. Découvrez le nouveau Mokka X chez votre concessionnaire Opel pendant les Adventure Days du 15 au 30 octobre et profitez de conditions exceptionnelles sur toute la gamme Opel. Opel lance le nouveau Mokka X, le SUV compact taillé pour l'aventure. Et pas forcément pour faire la traversée du Grand Canyon, les travaux sur nos routes sont déjà bien assez aventureux. Découvrez le nouveau Mokka X chez votre concessionnaire Opel pendant les Adventure Days du 15 au 30 octobre et profitez de conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. La première. Mobile Info. Est-ce que ça roule ? La question et la réponse signée Pierre Collard-Bovis. Eh Pierre, pas tellement bien, justement. Donc, un accident à Bruxelles, tout d'abord dans le tunnel Béliard, le passage est difficile en direction de la Basilique. Alors, sur le ring de Bruxelles, eh bien, la plupart des tronçons approchent les 30 minutes de temps de parcours supplémentaire, c'est-à-dire que le ring est bien rouge de chez rouge aujourd'hui. Un accident sur le 403 tournée Bruges à hauteur de Dottigny. La bande droite est neutralisée en direction de Bruges. Sur le 403 Bruges tournée à hauteur de Bleu. Landin, là sur les travaux qui ralentissent et vous perdez 50 minutes en direction de Tournai, d'autant plus qu'un accident s'est produit sur le 1429 Tournai-Halle, à hauteur de Froyenne. La bande de gauche est neutralisée en direction de Halle et elle défile depuis l'échangeur de Marquin avec des répercussions, voilà, sur le 1403 venant de Bruges depuis Tournai. C'est un peu le chaos de ce côté-là, évidemment. Et puis un objet encombrant à signaler sur le 313 Liège-Anvers entre Votem et Liers. La bande de gauche est encombrée en direction d'Anvers. C'est une grosse boîte ou un gros carton non précisé. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Hey, Houston, on a un problème ici. Au programme, demain, d'un jour dans l'histoire, entre 13h30 et 14h30 sur la première, Léon Degrelle, les racines idéologiques, à découvrir donc avec Laurent Dehaussé. Et puis aujourd'hui, ah, il s'en est passé des choses en ce 18 octobre. Et c'est la question que va nous poser Laurent Dehaussé. Laurent ? Le 18 octobre 1973, le public découvre cette chorégraphie culte du 7e art. De quoi s'agit-il ? Facile. La Macarena. Oui. Pas la Macarena. Béjart. Non, pas Béjart. 73 Boléro de... Le Boléro de Ravel en 73. Ouais. Le 1773. Ouais, ouais, okay. Le beau vélo. Le beau vélo de Ravel. En 1973. Non, alors, rien du tout. 18 octobre 1973, le public découvre une chorégraphie culte. Le quoi? Le moonwalk. Le moonwalk. Comme un walk. Est-ce qu'il était né, Michael Shows là. Michael Shows. Non, Michael Shows. Non, alors, écoutez bien, la question, c'est chorégraphie culte du 7e art. C'est vrai. Ah. C'est tout mais à fait mais c'est les culte. Uns et les autres. C'est pas Grease. C'est pas Grease. C'est une comédie musicale. Non, c'était pas une comédie musicale, mais c'est devenu une comédie musicale par la suite. Comédie musicale par la suite. Par la suite. Ouais. Je répète tout ce que vous dites. Ouais. Ça te donne l'air intelligent. C'est américain. Hein. Alors, non, c'est pas américain, c'est français. Français. C'est français, attention. Et tout le monde a vu ça 15 fois. Au moins. Non. La mélodie de Bonheur. Alors attention, attention. Je vais vous la faire, attention. Je vais vous la faire. Vous êtes prêts? Ça va être très radiophonique. Oui. C'est quoi Rabbi Jacob? Ah bah Jacob. Oui, Rabbi Jacob, effectivement, on l'a sorti en salle des aventures de Rabbi Jacob, un film franco-italien réalisé par Gérard Oury. Et dans cette histoire, il s'en passe des choses. La musique de Vladimir Cosma, que vous connaissez, puis les phrases choc et les scènes cultes, la fameuse chorégraphie, mais aussi dans cette usine de chewing-gum. Oh, c'est beau. Hein, alors, il faut savoir que ce qui est arrivé pendant le tournage, c'est que dans la nuit, la cuve qui était remplie donc, du liquide vert, vous vous souvenez, ce liquide de levure chimique, qui effectivement a débordé. Et le produit s'est répandu dans tout le studio. Le lendemain, l'équipe du film a dû tout nettoyer, refabriquer donc le produit. Ce qui explique d'ailleurs que si vous renvoyez le film, eh bien dans cette séquence, la couleur du chewing-gum n'est pas la même entre chaque plan. Ah. Et on a vérifié avec Carole, effectivement, quand il est... Badigeonné, c'est pas le même vert, c'est pas le même vert. Jaune. Effectivement, c'était d'ailleurs le dernier film du duo Oury de Funès avec un très très beau casting. Il y avait Victor Pivert, le chauffeur, Claude Pivert, le commissaire Andréani, chef des policiers, Jacques-François Gérard Darmon. Et est-ce que vous vous souvenez qui interprétait Antoinette Pivert? Suzy Delair? Non, c'était Miu Miu. C'était d'accord. Ah ouais. Donc Slimane tombe amoureux d'ailleurs à la fin du film puisqu'il craquait pour les Russes. Et en parlant de Slimane, dans ses films, Gérard Oury a toujours eu l'habitude de respecter donc la similitude des nationalités entre acteurs et personnages. Cependant, on trouve dans ce film deux intrus. Claude Giraud, qui est français, et Renzo Montagnani, qui est italien, et tous les deux non-musulmans jouent donc des musulmans. Et Claude Giraud, on le connaît surtout pour ses doublages. Mmh. Alors, c'est la voix française de ceci. Écoutez, à votre avis, de qui s'agit-il ? Eh bien, Herr Mozart, pas mal du tout. Ah oui, incontestable, cela. C'est excellent. Vous avez donné là un opéra tout à fait nouveau ce soir. Et maintenant, au boulot, messieurs. Mettez deux voitures de patrouille et... Fermez les yeux, pensez à Robert Redford. En montant et en descendant. Ensuite, je vais voir un hélico arriver par ici et survoler le fleuve à 30 mètres, mais qu'il fasse attention à ses câbles. Sam, vous avez perdu la boule, il est mort. Ça le rendra plus facile. C'est con, regarde des films en VO. C'est la voix de Robert Redford. Alors, petite dernière anecdote que je vous raconterai après 17h. Ah oui, je vous raconterai cette anecdote autour du film et ça fait scandale et ça fait beaucoup de bruit autour de film Rabbi Jacob. Je vous en parlerai après les informations de 17h. En attendant, intéressons-nous à l'actualité vue et corrigée par Catherine Ronvaux avec cette pression qui monte en France dans les débats des primaires, mais c'est un problème de haute pression dont vous allez nous parler, ma chère Catherine. Et le ministre de l'Intérieur persiste et signe le terme nettoyer au prochain, le terme qui s'impose parce qu'il faut nettoyer cela. C'est presque sérieux sur la première. On vous écoute. Oui, vous l'avez peut-être lu dans la presse, la société Karcher, qui vend donc des nettoyeurs haute pression, a adressé une lettre aux politiques français leur demandant de ne plus utiliser son nom dans les discours politiques, précisant que souvent associé à des questions polémiques et négatives, cela portait atteinte à la marque. Nicolas Sarkozy aurait fait savoir qu'il s'entend paxer et que de toute façon, il n'était plus temps de faire joujou avec des machines, mais bien de rondopiser la racaille des cités, de vanichiser les migrants et de ferrariser un peu plus les grosses fortunes. Chez nous, nos hommes politiques utilisent rarement les marques dans leurs discours. On n'a jamais entendu Willy Boursu demander aux agriculteurs de John Deriser leur force. Ou Yann Yumbon, qui ne passe pas à côté des choses simples, prôner une hertatisation de la sécurité aux abords des aéroports. Et même si Maggie de Bloc, elle slim fast, je parle des remboursements des antibiotiques, évidemment, ça n'est jamais exprimé sous cette forme. Quant à notre Pollux Magnetix, fer de lance gaulois du contre-CETA, l'entend-on parler de sirop de liégisation unie, appelle-t-il à une patexisation de notre effort? Prêtons-nous, citoyens, contre les multinationales qui nous sterputent notre économie et catican-binisent nos productions locales? Non. Non, nos hommes politiques manient la langue française avec brio. J'en veux pour preuve le discours de Charles Michel. Un Belge sur cinq présente le risque de basculer dans la pauvreté. Personne ici, quel que soit le banc sur lequel on se situe, ne peut être indifférent face à ce constat. Bon, là, on peut voir des têtes qui acquiescent, hein, par imitation, j'imagine. Mais les yeux, qui sont les miroirs de l'âme, laissent quand même transparaître autre chose. Comme le disait Saint-Exupéry, il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, mais de le rendre possible. Rendre possible un avenir plus optimiste, c'est pour cette raison, mesdames et messieurs les parlementaires, que le gouvernement vous demande votre confiance. Ah, c'est beau, c'est fort. Je parle de la punchline, évidemment. On peut évidemment lui reprocher d'avoir choisi un auteur français à l'heure où il serait bon de valoriser un peu notre culture. Mais le message aurait-il été aussi clair avec des mots comme « je voudrais bien, mais je peux point » C'est point commode d'être à la mode quand on doit boucler le budget. Ouais. C'est point facile d'avoir du style quand on a un fils, comme moi. Ou même un petit extrait d'Amélie Nothomb. On n'a rien inventé de mieux que la bêtise pour se croire intelligent, ou l'adjectif vrai, comme le chiffre zéro, est une expression indispensable du vide. Donc il faut l'avouer, avec son « il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, mais de le rendre possible », il a frappé juste. Enfin, sans vouloir jouer la rabat-joie, ni attirer sur nous une mouise prémonitoire, après avoir dit ça, l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry s'est crashé au large de Marseille. Et il a fallu plus de 50 ans pour en retrouver la carcasse. Et la montre. En plus. Mais non, prendre une citation d'un noble pour clore l'annonce d'un budget qui risque d'en décapiter plus d'un, mais cette fois dans la classe inférieure, si ce n'est pas machiavélique, c'est pour le moins outrecuidant. Et en même temps, tout le monde connaît Antoine de Saint-Exupéry. Et Charles Michel aurait pu choisir simplement un extrait du Petit Prince pour terminer son discours de politique générale. Et comme disait Antoine de Saint-Exupéry, au sale gosse qui lui répétait inlassablement « dessine-moi un mouton et donne-nous un budget !»« Tiens, voilà une caisse en carton, il est dedans ton mouton. Tu vois, je pense à toi, à ton avenir, tout est prévu, fais-moi confiance. Dès que tu auras faim, tu pourras bouffer l'animal et la caisse te fera une très jolie maison. » Ah, Catherine Renvaux, de la poésie en veux-tu en voilà. Dans la suite de C'est presque sérieux à 17h, on s'informe et on revient avec cette anecdote concernant le film Rabbi Jacob. Ah, vous voulez savoir, hein, vous voulez savoir. Bien, restez sur la première, à tout de suite. Vivez vos vacances en toute liberté. Mobicar, salon international de la caravane et du motorhome. Plus de 600 modèles et toutes les nouveautés 2017. Mobicar, du 20 au 25 octobre à Brussels Expo. Plus d'infos sur mobicar.be. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros ou 129 euros par mois en personal lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. La première et la 3 présentent Espagne, 1967. Le combat d'une femme contre une réalité sociale et politique délirante. Calderón, la fresque jubilatoire de Pasolini mise en scène par Lazare Gousseau. Au rideau jusqu'au 5 novembre. Info rideaudebruxelles.be avec le soutien du journal Le Soir. Écoutez ça! Pour le 25e anniversaire d'Intermarché, il y a des produits 100% remboursés, des offres jusqu'à moins 50% et une super action épargne avec 25 produits gratuits. Oui, vous avez bien entendu, 25 produits gratuits, c'est exceptionnel! Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Aussi pour les indépendants. Et alors madame, qu'est-ce qui se passe avec votre voiture ? C'est mon moteur qui a commencé à fumer. Et ouais. À mon avis, c'est la pompe d'injection qui n'est pas bien calée. Faudrait peut-être remplacer le capteur de la sonde du conducteur électronique, non ? Oui, bien sûr. Je vais quand même regarder sur Internet, hein, parce que... Orange lance Aigle et Aigle Premium. De nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous avez tout le data dont un indépendant a besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. La première. Météo. Bonne fin de journée à tous. Le vent s'est levé, la zone de pluie traverse notre pays. Elle va le faire assez rapidement et cette nuit, on reviendra déjà un temps un peu plus sec. Des températures minimales qui seront comprises entre 4 et 9 degrés. Demain, on retrouve un risque d'averse déjà bien présent dès le lever du jour sur le nord du pays, depuis le Limbourg jusqu'à la région anversoise. Et puis, dans le courant de la journée, un peu comme aujourd'hui, la zone de pluie va se déplacer, toujours poussée par un vent soutenu qui va tourner au secteur ouest pour gagner donc toutes les régions. Maxima pour demain de 9 à 13 degrés. On gardera encore un ciel de traîne jeudi avec des averses, puis un temps un peu plus sec vendredi, mais on ne dépassera plus 8 à 12 degrés. Pluie, vent, froid. Le temps idéal pour accueillir chez moi le conseiller Bélisol et recevoir un conseil gratuit pour mes nouveaux châssis et mes nouvelles portes. Bélisol. La première. 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. 4 personnes inculpées pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Après 15 perquisitions, elles ont été menées ce matin dans plusieurs villes du nord du pays. Selon le parquet fédéral, il n'y a pour le moment aucun lien avec les attentats de Bruxelles du 22 mars. Un parcours en forme de Z, le prochain Tour de France, qui ne manquera pas de passer par la Belgique, sera un grand slalom. Que pensent les coureurs cyclistes de ce Tour 2017? Vous entendrez leur réaction dans ce journal. On fait d'abord un petit point sur vos conditions de circulation. Oui, avec un point noir, c'est la région de Tournai, avec un accident autour de Dottigny sur le 403, un autre sur le 429 Tournai à la hauteur de Froyenne, et puis des travaux qui ralentissent considérablement sur le 403 Bruges-Tournai à Blandin. Et on commence ce journal avec la circulation des trains Eurostar qui est interrompue dans les deux sens à la suite d'un problème d'alimentation électrique dans le tunnel sous la Manche. La compagnie n'a aucune visibilité sur l'heure de reprise de la circulation. Eurotunnel précise qu'aucun train n'est bloqué pour le moment à l'intérieur du tunnel. 15 perquisitions ont donc été menées dans le nord du pays, à Gand, Daines et Anvers. Elles sont liées à des dossiers terrorisme. La police judiciaire fédérale a bénéficié pour cette opération de l'assistance d'Europol. C'est l'organisme chargé de la coopération policière en Europe. Pour le moment, le parquet fédéral n'établit aucun lien avec les attentats du 22 mars à Malbec et Zaventem. Il y a parmi les 4 suspects déférés devant le juge d'instruction, le frère d'Hicham Chaïb. Pour rappel, Hicham Chaïb, c'est l'auteur de la vidéo de revendication des attentats du 22 mars à Bruxelles dans la version néerlandophone. Il occupe une position importante au sein de l'organisation terroriste État islamique. Et puis il y a une autre opération judiciaire toujours en cours. Elle a permis le démantèlement d'une bande de trafiquants d'êtres humains. La Belgique est concernée, mais aussi la France, la Grèce et la Syrie. Patrick Michel, d'importantes quantités de faux documents d'identité ont été saisis lors de cette opération. L'opération a permis l'arrestation d'une dizaine de suspects. Tout est parti d'une enquête lancée en 2015 en Flandre orientale dans la région de Gand. La bande démarchait des Syriens en leur proposant de se rendre par leurs propres moyens en Turquie. Puis de là, un membre de cette bande les attendait pour rejoindre une île grecque à bord de canots pneumatiques. L'étape suivante consistant à transporter les réfugiés en Grèce continentale où ils attendaient un certain temps avant de recevoir des documents leur permettant de prendre un avion à destination d'un autre pays européen. Cette organisation disposait de lieux sécurisés dans différents pays. Jeudi dernier, l'opération déclenchée par la justice au départ de la Belgique a été coordonnée à l'échelon européen. 10 suspects ont été interpellés, 8 en Belgique, 1 en France et 1 en Grèce. 5 mandats d'arrêt décernés. La justice belge a demandé l'extradition des suspects arrêtés à l'étranger. Sans surprise, le gouvernement fédéral a obtenu la confiance de la Chambre à l'issue d'un vote majorité contre opposition. Un vote qui marque l'adhésion à la déclaration de politique générale du Premier ministre. Charles Michel, fait exceptionnel, l'a lu dimanche au Parlement, quelques jours après la rentrée parlementaire. Le gouvernement fédéral qui a joué les prolongations pour s'entendre sur le budget de l'État en 2017, budget qui a été très fortement dénoncé hier par l'opposition en séance plénière. Aujourd'hui, c'est le syndicat chrétien qui a rendu une analyse très négative de l'accord budgétaire. La CSC le qualifie de braderie à tous les étages. Il y a, dit-elle, un deux poids, deux mesures entre les plus nantis et le reste de la population. La Belgique n'a pas donné son feu vert à la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada en raison du refus des entités fédérées francophones de déléguer au fédéral les pleins pouvoirs pour signer l'accord. L'Europe a donné à la Belgique jusqu'au sommet européen de vendredi pour se prononcer. Pour le ministre des Affaires étrangères, des prolongations de négociations sont toujours possibles durant le sommet et même après. C'est ce qu'affirme Didier Reynders. Quoi qu'il en soit, pour entrer en vigueur, le texte doit être officiellement signé par les 28 États membres de l'Union européenne. Si la région Wallonne maintient ses positions, la Belgique ne signera rien du tout. Et cela marquera l'échec des négociations entre l'Europe et le Canada. L'offensive militaire de la coalition anti-djihadiste sur la ville de Mossoul en Irak a débuté hier. Les forces gouvernementales irakiennes et les différentes milices disent avoir gagné du terrain aujourd'hui face aux combattants du groupe terroriste État islamique. Une offensive en Irak qui pourrait être suivie d'une autre bataille, celle pour reconquérir Raqqa, Waoub Fayoumi, cette fois c'est en Syrie. Oui, donc c'est bien à Raqqa que risquent bientôt de se concentrer les forces de la coalition internationale anti-djihadiste. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, s'est exprimé en ce sens aujourd'hui. Il faut savoir que cette grande ville syrienne, eh bien, c'est l'un des autres fiefs du groupe État islamique. Et des informations font état aujourd'hui de vols d'avions de reconnaissance et de drones au-dessus de cette cité. On se trouve donc bien dans une offensive globale pour faire reculer le groupe État islamique de ses principaux bastions, en Syrie aussi donc. Donc Waoub, de nouvelles frappes de la coalition anti-djihadiste seraient donc prévues. Mais qu'en est-il des bombardements de l'aviation russe en Syrie ? Comme on le sait, c'est à Alep, dans les quartiers Est, que se concentrent depuis des jours les frappes de l'armée russe, des quartiers qui sont tenus par des rebelles. Et ces frappes ont été très critiquées ces dernières semaines. Certains observateurs parlent même de crimes de guerre. Aujourd'hui, la Russie a suspendu ces frappes depuis 10 heures ce matin. C'est pour préparer la trêve prévue jeudi prochain, disent les Russes. Cette trêve de 8 heures est censée permettre l'évacuation des habitants, mais aussi des insurgés. Les États-Unis se disent, eux, très sceptiques et les Nations Unies demandent des garanties avant d'acheminer l'aide humanitaire dans ces quartiers. En cyclisme, les fans l'attendent chaque automne, les coureurs aussi d'ailleurs. Le parcours du prochain Tour de France a été officialisé ce midi à Paris. Le Tour partira de Düsseldorf en Allemagne le 1er juillet. Il arrivera à Liège le 2 et repartira de Verviers le lendemain. Les 5 massifs montagneux français seront ensuite traversés alors que le contre-la-montre final à la veille de l'arrivée à Paris se terminera dans le stade Vélodrome de Marseille. Un parcours émaillé de quelques nouveautés que les coureurs vont devoir apprivoiser, Jérôme Elguers. Ladies and gentlemen, please welcome the riders of the Tour de France. Sur la carte de cette édition 2017, le peloton va slalomer dans la France. Un grand Z que le tenant du titre Chris Froome voit plutôt comme un point d'interrogation. Je ne connais pas du tout dans ce Tour de France. Isolde, que je n'ai jamais vu. Il y a l'étape qui arrive à Le Chat, le montée de Le Chat. C'est très dur. Pour moi, l'objectif doit être préparé pour chaque parcours. Le Français Romain Bardet, deuxième l'an dernier, estime ce parcours moins difficile. Il faudra donc jouer sur la surprise et la variété. Le fait de traverser les 5 massifs va rendre la course plus incertaine et plus piégeuse, donc je me réjouis de ça. Après, l'enchaînement en montagne est peut-être moins intense que par le passé. Il falloir être inventif, ça va être plus les coureurs, de par la stratégie qu'ils adoptent et en jouant avec le relief qui est proposé, qui vont pouvoir gagner ou perdre du temps. Inventif comme ce petit jogging de Chris Froome dans le Ventoux. L'image est restée très forte, mais le Britannique ne souhaite pas retenter l'expérience. J'espère que l'an prochain, il n'y a pas de raison de faire ça encore, mais c'est incroyable de voir les images de cette année. Ça me donne beaucoup d'émotions. Vive le Tour et vive la France! Chris Froome, candidat à un quatrième Tour de France donc l'an prochain pour les coureurs belges. Il faudra sans doute miser sur les échappées ou sur les étapes pour puncheurs comme la troisième par exemple, entre Verviers et Longwy. Le Tour de France 2017, ce sera évidemment à suivre sur l'RTBF du 1er au 23 juillet prochain. Pour l'heure, il est 17h08. Toute l'info est sur rtbf.be. Découvrez le nouveau Mokka X chez votre concessionnaire Opel pendant les Adventure Days du 15 au 30 octobre et profitez de conditions exceptionnelles sur toute la gamme Opel. Merci d'être fidèle à la première. On a le plaisir de retrouver Walid et sa chronique. Merci Diane. Tiens, vous voulez connaître une anecdote concernant le film Rabbi Jacob? Ah oui, j'adore. Vous verrez le film Rabbi Jacob différemment. Bien, restez à l'écoute de la première. Ce sera juste après ceci, tout de suite. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux. Avec Walid. Et l'Académie presque sérieuse de la comédie presque sérieuse vous présente une émission presque sérieuse par ordre alphabétique. Laissez-moi vous présenter ceux qui vous accompagnent depuis une heure maintenant. Il y a Albas Mickaël, bonjour. Bonjour, rebonjour. Il y a Mosrepol, Paul, bonjour. Bonjour. Il y a Reyers Raoul, bonjour. Bonjour mon petit ami. Il y a Ronvo Catherine. Bonjour maître. Il y a Charette Pierre. Bonjour Wahabi Walid. Et il y a moi en fait. Voilà. Et puis vous qui êtes de plus en plus nombreux à être presque sérieux, merci de nous être fidèles. Des cadeaux que nous vous offrons, tiens, si vous voulez rire et aller au théâtre, eh bien, on va pouvoir combiner les deux, puisqu'on vous invite au Vous Rire, au Trocadéro, notamment à Liège, dans le cadre du Vous Rire Festival, le samedi 22 octobre à 20h, pour aller applaudir Baptiste Le Caplin, ou, tiens, pour aller voir Je vous écoute, une pièce avec Benabar et Sarah Biasini, un film fille de Romy Schneider, d'ailleurs, hein, Sarah Biasini, hein, si vous voulez. Ah, ce sera le dimanche 23 octobre au Forum de Liège à 20h dans le cadre donc toujours du Vous Rire Festival. Bah vous nous envoyez simplement Baptiste ou Benabar par SMS. Baptiste ou Benabar au 60 Combien 31. Vous envoyez Baptiste espace ou Benabar? Voilà, c'est ça. Au 60-31, 75 centimes le message suivi de vos noms, prénoms et adresses complétées. Et avant de s'intéresser à cette actualité que nous allons retitrer pour vous avec ces 7 ans de pension des militaires repoussés donc par l'équipe Michel, un remerciement, quel grand remerciement, c'est ce que titre beaucoup de presse. Eh bien, je vous raconte cette anecdote concernant le film Rabbi Jacob. Enfin, je vous la raconterai à 17h28. Oh c'est presque sérieux. Gamin. C'est la première. Ça pour garder les gens. Alors, oui, parlons de cette info. Mais non, je vous raconterai vraiment une vraie anecdote concernant le film qui a tout son intérêt. Vraiment, vous verrez le film différemment. En tout cas, moi, aujourd'hui... Je sens qu'on ne l'aura pas aujourd'hui. Mais si, ce sera tout à l'heure, 17h28. En attendant, le Front commun composé des 4 syndicats du personnel militaire a qualifié hier d'inacceptable les décisions grève, du gouvernement de relever progressivement l'âge de la pension de 56 à 63 ans pour les militaires. Une mesure donc surprise de l'équipe Michel, prise lors du conclave budgétaire sans la moindre concertation préalable. Donc aucun respect témoigné envers l'engagement de ces derniers mois. Un comble alors qu'il est demandé de rajeunir l'effectif, ce qui risque d'ailleurs de conduire la défense à la faillite, a précisé un spécialiste du dossier, alors que ce département est par ailleurs contraint d'économiser, comme les autres ministères fédéraux, à l'exception de la justice, 1% de son budget annuel en 2017. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. L'équipe Michel qui repousse de 7 ans donc la pension des militaires, comment pourriez-vous vous retitrez cette information? Quand vous dites que ça fait beaucoup de bruit, vous parlez de Loretta Unkeling, ce Parlement ou... Entre autres. Ah oui, c'est magnifique. C'est décibel. Hein. C'est décibel on stage. Je paierais ma place pour aller voir. Hein, à ce prix-là, moi, c'est quand ils veulent. Il rejoue plein, là, pouf. Il rejoue bientôt. Bientôt. Il prend des cours d'opérette pour arriver à voir. Dans l'Avare. Alors, tiens, comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information, Mickaël Albas? Des militaires plus vieux que nos centrales nucléaires pour un État plus fissure. Paul Mosseret. Michel repousse la pension des militaires et la FNSTAL prend la balle au rebond et propose une gamme de tribunes et chaises roulantes d'assaut. C'est pas un titre, c'est un chapeau. Ça. Ouais, c'est pas mal les chaises roulantes d'assaut. C'est pas mal. Raoul Reyers pour vous. Tu as 50 ans, tu cherches du boulot, deviens toi aussi militaire. Tu seras tranquille pendant 13 ans à regarder passer les filles dans la rue. C'est toujours des petites annonces avec Raoul. Catherine Ronvo pour vous. Petit hommage à Pierre. Repoussement de la retraite des militaires. Nos petits soldats ont les pieds de plomb. Ah, c'est pas mal ça. Et puis Pierre Charette. Pension des militaires, 2 points, c'est le gouvernement qui bat en retraite. Ouais, bah écoutez, voilà, une information que vous pouvez lire dans la presse du jour. Et en ce 18 octobre, il y a une presque star. Elle est avec nous, cette presque star. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Elle s'appelle Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une anecdote concernant le film Rabbi Jacob? Eh bien, ce sera pour tout à l'heure, ça va, on a compris la blague. Eh bien, ce sera avant, on est pas content. Avant 17h30, dans 15 minutes précisément, le temps pour nous de nous intéresser à Isabelle. Pourquoi parle-t-on d'Isabelle dans la presse? Eh bien, vous allez le découvrir dans un instant, vous qui nous écoutez. Seule condition à remplir, c'est que les chroniqueurs se rapprochent le plus possible de la raison pour laquelle on parle d'Isabelle dans la presse. Posez-moi vos questions, je ne réponds que par oui ou par non, c'est parti. Isabelle a les yeux bleus. Oui, certainement, mais c'est pas pour la raison... Scientifique, non. Est-ce que c'est une commerçante? Commerçante, non. C'est une artiste? Artiste, c'est dans le domaine artistique. Ah. Elle s'occupe d'artiste. Productrice. Non, d'œuvre d'artiste, on va dire ça. Ah, attachée de presse, oui. De cinéma. Oui. Musée. Musée, on a dans l'illusion. Elle garde les tableaux d'Anne Sinclair. Non, mais elle rénove les tableaux. On est dans les tableaux. Ah. Elle rénove des tableaux. Elle rénove des tableaux. On parle d'une rénovation d'un tableau. Ah, elle est faussaire. Elle efface les tableaux. Elle est institutrice. Elle efface les tableaux. À Bruxelles. À Bruxelles. Alors. Un triptyque. Pardon? De frère Vanille. Un tripotique. Non. Elle travaille au musée où on doit mettre des seaux parce qu'il pleut par le plafond. Celle qui va repeindre la bite de Saint-Gilles. Non, ce n'est pas elle. Alors on parle des musées royaux des beaux-arts de Belgique avec elle. Et voici un premier indice. Au Marquis. Alors. C'est les tableaux de Jacques Brel. Les volets. Qui est un grand peintre. Elle s'occupe de peindre les volets des grandes fenêtres. Un deuxième indice. Deuxième indice. Alors. Gauguin. Alors ouais. C'est la sœur de Pierre Rapsat. C'est la mère de Jacques Brel. Alors. Paul Molsrey, vous l'avez peut-être. Mais non. C'est fort décevant. Attendez, on donne l'indice, on donne Gauguin dedans. Gauguin, c'est quoi? C'est la rénovation d'une œuvre de Gauguin. Voilà, à Bruxelles. Alors on peut dire que c'est presque gagné pour Paul Molsrey. On lui a donné la réponse là. Puisque les USB et aussi la plaque. Musées royaux des beaux-arts de Belgique vont faire appel pour la première fois au crowdfunding afin de collecter de l'argent en vue de restaurer une œuvre de Paul Gauguin, à savoir le portrait de Suzanne Bambridge, une toile qui date de 1891 et que Paul Gauguin a réalisé lors de son premier voyage à Tahiti, n'est-ce pas, Isabelle? C'est bien ça, c'est même la première œuvre qu'il a réalisée à Tahiti. Alors, c'est une première, c'est d'ailleurs très rare, un portrait frontal réalisé par l'artiste Paul Gauguin qui apparaît comme un témoignage important de son parcours. Et aujourd'hui, eh bien, cette toile s'use et donc il faut la rénover. Combien ça coûte? Alors, les estimations de notre expert donc, se sont élevées à 45 000 euros, que nous divisons en deux. C'est une somme que nous espérons atteindre via le mécénat d'un mécène, le Fonds Bayet Latour. Et puis, pour l'autre partie, la moitié, nous faisons appel au public. Alors, le public a droit à quoi? Une carte postale Non, parce qu'on se dit, si je fais le crowdfunding, est-ce que j'ai droit à avoir le Gauguin un week-end sur deux? La garde partagée. Oui. Je crois que tous les travailleurs des musées auraient déjà donné la somme totale pour avoir droit à cette merveille. Ouais. Alors d'abord, le but, c'est que chacun fasse partie de la communauté des musées, parce qu'on parle ici de la rénovation d'un patrimoine. C'est le patrimoine belge, hein, c'est le patrimoine qui appartient à chacun, et surtout de sa préservation pour les générations futures. Alors nous inviterons toutes les personnes qui ont mis dans cette restauration à venir voir l'œuvre, à la découvrir une fois qu'elle sera toilettée, hein, si on peut dire, et à pouvoir voir son nom inscrit à côté. Ah, on pourra faire un selfie. Ah, c'est pas mal ça, son nom à côté de l'œuvre de Gauguin, c'est quand même la classe. Et donc, parle de restauration, vous avez vraiment tout prévu. Donc il y aura même à boire et à manger. Tiens, l'opération qui a débuté le 12 octobre dernier, et déjà 71% de la somme ont déjà été réunis, c'est ça? C'est assez exceptionnel d'ailleurs. Alors est-ce que c'est un succès qui pourrait se répéter? Est-ce qu'on pourrait voir d'autres œuvres comme ça et c'est le public qui devra jouer au mécène plutôt que... La prochaine œuvre de Gauguin par exemple, celle qui va peindre bientôt. Nous l'attendons avec impatience, celle-là. Alors je dirais, d'un côté, heureusement, parce que c'est toujours, c'est assez génial de pouvoir faire participer le public à la vie des musées. Là, ils vont vraiment pénétrer dans les coulisses et ils vont inscrire leur nom dans l'histoire des musées. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire, malheureusement, parce que c'est triste que nous devions faire appel au public pour ceci, alors que nous sommes une institution publique. Mais voilà, ça, ce sont les finances des musées qui obligent, et ça reste une joie de pouvoir justement travailler en collaboration avec le public. C'est vrai qu'en tant temps de crise, on a tendance à couper dans la culture, et c'est là où il faut effectivement injecter de l'argent, parce que l'histoire, eh bien, nous enrichit, et eh bien, enrichissez cette histoire et faites en sorte que ce Gauguin puisse être revu par les prochaines générations. Raoul. Et nous, on va téléphoner à Elke Sleurs pour qu'elle arrange ça. Ben, c'est quand même la ministre de la culture. Elle, c'est à Picasso. Je donne l'adresse, tiens, gingo.community/fr/redonnez-vie à un Gauguin. On mettra tout ça, bien entendu, sur la page de la première. Gauguin et ça marche. Et vous aurez l'occasion, bien, d'amener votre pierre à l'édifice, à cette restauration. Moi, je me demandais si Suzé s'était trompé. Mais bon. Ah, bonne question. Ah, c'est une bonne question. Vous savez ce qu'on va faire? On fera un débat autour de ça lors de la soirée de vernissage, revernissage de Gauguin. Merci en tout cas, Isabelle, d'avoir été notre presque star du jour. Vous êtes responsable communication et relations extérieures des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Espérons qu'on trouve cette somme et surtout qu'à un moment donné, on arrête de couper dans la culture. Ça ferait plaisir à pas mal de monde. Ça, ce sera indispensable pour, je pense, le bien de tous les citoyens, de vouloir prévenir plutôt que guérir par la sécurité. Merci en tout cas, Isabelle, et nous, on poursuit cette aventure presque sérieuse. Restez sur la première, Isabelle, puisque je vais vous faire part d'un moment autour de ce film, Rabbi Jacob. Je vous en parlerai dans quelques instants, le temps pour Pierre Charette. Une chronique pas comme les autres, puisque Pierre Charette, vous allez parler du gagnant de l'Euromillion. Tu ferais quoi si t'étais riche? Genre super riche. Je crois que j'irais au McDo, je prendrais une frite, un coca, un Big Mac. La meuf, elle me dirait, prenez un menu. Je dirais non, je suis riche. C'est presque sérieux sur la première. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Pluie, vent, froid. Le temps idéal pour accueillir chez moi le conseiller Bélisol et recevoir un conseil gratuit pour mes nouveaux châssis et mes nouvelles portes. Bélisol. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Un budget. Un projet. Profitez maintenant des portes ouvertes Véranda Confort. Condition 30e anniversaire. Jusqu'à 5000€ d'avantage. Véranda Confort. Info, verandaconfort.be. Ah, c'est sympa d'inviter ton vieux père à dîner. Bah ouais. Je vois que t'aimes les bonnes choses authentiques, comme moi, du pain cuit sur pierre. Ah ouais, pas. Une bonne trappiste. Ta préférée. Mais alors pourquoi tout gâcher avec ce truc-là, fiston? C'est du fromage, ça? Bah pas, c'est. Enfin, c'est pas du herve. Oh, ça m'énerve quand y a pas de herve. Tiens, regarde, je t'ai apporté un fromage digne de ce nom. Du herve société. Pour une bonne table comme la tienne, c'est incontournable. Le fromage de herve. Carrément incontournable. Vous avez un projet de construction? Des Palmes vous donne rendez-vous lors de son week-end portes ouvertes les 22 et 23 octobre de 13 à 18h, rue du Prieuré à Neuchâteau. Parcours fléché depuis la sortie Neuchâteau de la E411. Toute l'info sur tepalme.be. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses? Disons, deux enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin, et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord? Parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie. Info et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. La première. Mobile Info. Et à 17h21, il brûle d'envie également de découvrir cette anecdote concernant le film Rabbi Jacob. C'est Pierre Collard-Bovy. Je suis impatient, je saute comme une puce. Ah ben dites-nous un petit peu, les auditeurs vont devoir attendre dans leur voiture également pour voir la chronique. Effectivement, ça tombe bien, pas mal d'embouteillages. Un accident à Bruxelles, toujours dans le tunnel, le Béliard, le passage est difficile en direction de Tervuren. Sur le ring de Bruxelles, et bien pratiquement tous les tronçons sont toujours ralenti, mais vous mettez entre 20 et 30 minutes supplémentaires par tronçon, donc ça veut dire que le ring est bien bien encombré. Un accident sur le 403 tournée Bruges à hauteur de Dottigny. La bande droite est neutralisée en direction de Bruges. Vous ralentissez considérablement sur le 403 Bruges tournée en raison de travaux à hauteur de Blandin. Vous perdez une trentaine de minutes en direction de tournée. Un accident sur le 429 tournée à la hauteur de Froyenne. La bande de gauche est neutralisée en direction de Halle-Fille depuis l'échangeur de Marquin, avec des répercussions sur le 403 venant de Bruges depuis Templeuve. C'est vraiment problématique de ce ce côté-là. Et puis sur le 42, également un accident avec une voiture sur le toit. Sur le 42 Mont-Stiège, à hauteur de Gouy, la bande à droite est neutralisée. Il y a des files en direction de Liège. Et un accident est situé en Grolos, grâce à l'ONU aussi. Le passage est divisé dans la bretelle reliant le 42 venant de Liège à la 604 en direction de Serein. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Sur la route, signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Le non-gardiste place ses économies à perte. Non, ça ira mieux l'année prochaine. Résolument non-vicieux, il ne finance que la non-novation. Non, trop risqué. Pour lui, l'avenir c'est... Non. Aujourd'hui, pour contourner les non-gardistes, il y a mymicroinvest.com, la plateforme qui vous permet d'investir dans des startups belges visionnaires. Et ceci à partir de 100 euros. Mymicroinvest.com. Dites oui aux entreprises de demain. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Arnaud Roysen vous donne rendez-vous à 17h30 pour Soir Première. Une anecdote concernant le film Rabbi Jacob. Oui. Et puis surtout Pierre Charette qui nous raconte cette histoire. Car oui, depuis hier, les médias s'interrogent. Où est passé le gagnant de l'Euromillion? Il ne se serait plus présenté à son travail. C'est ce qu'on apprend. Mais Pierre, vous avez de ces nouvelles? Effectivement, Walid, j'ai de ces nouvelles et je suis en mesure de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il a repris son travail et que, comme vous et moi, il déteste l'expression « au jour d'aujourd'hui ». Alors, je sais ce qui a été dit dans la presse, hein, le gagnant des 168 millions d'euros travaillerait à Bruxelles Propreté. Eh bien, je suis en mesure de vous dire que ce n'est pas le cas. En réalité, c'était une couverture puisque le gagnant de l'Euromillion n'est pas balayeur de rue, il est chroniqueur sur la première. Et je vous le donne en millions. C'est moi. Voilà, je suis le gagnant de l'Euromillion. Alors ne soyez pas mal à l'aise. Hein, je suis resté très simple. Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, je sais bien. Avec mes 168 millions d'euros, j'ai intégré la liste des plus grandes fortunes du monde. Mais à nouveau, ne soyez pas gênés. Quelque part, vous aussi, Walid, vous êtes dans la liste des plus grandes fortunes du monde. Simplement, vous êtes à la dernière place de la liste, mais vous êtes dedans. Hein, quand on regarde à l'envers, je suis premier. Mais voilà. Alors, je sais ce que vous avez envie de me demander, c'est qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent, Pierre? Eh bien, d'abord, Walid, je vais vous demander de m'appeler Monsieur Pierre. Première chose, si je dois vous donner 10 euros pour ça, je vous donnerai 10 euros. Ensuite, je veux évidemment faire quelque chose d'utile de cet argent. Par exemple, j'aimerais sauver des emplois. Ceux d'ING, par exemple. C'est la raison pour laquelle j'ai été dans une banque ING au guichet pour retirer mon gain. Et j'ai demandé de l'avoir en pièces de 2 cents. Ça fait 84 millions de petites pièces que j'ai demandé qu'on recompte deux fois. C'est quand même une grosse somme, ce qui va mobiliser, j'ai calculé, 120 personnes pendant 5 ans. Ah ouais. Voilà. Alors, j'avais évidemment pensé reverser une partie de mon gain à des bonnes œuvres, par exemple à l'action d'Amiens, hein, vous connaissez, ouais. Mais j'ai abandonné l'idée, je me suis dit qu'aider... Non. Alors, passez à la suite. Je me suis dit qu'aider une association contre la lèpre aurait été plus cohérent si j'avais gagné un jeu de grattage. Finalement, j'ai décidé de créer ma propre association caritative et de me faire des dons déductibles fiscalement tous les jours, ce qui me permet d'éluder l'impôt. Oui. Voilà, pour le reste, je veux me faire plaisir, hein, c'est bien normal. Par exemple, hier, j'ai appelé Jean-Pierre Foucault pour voir s'il voulait gagner des millions. Il m'a répondu oui. Je lui ai dit, c'est votre dernier mot. Et puis, bim, j'ai raccroché. Voilà. Du plaisir. J'ai acheté tous les albums de Marc Pinilla de Suarez. Je me suis fait plaisir. Voilà. Et quand je dis que j'ai acheté tous les albums, je ne parle pas des 3 albums qu'il a sortis, je parle des 50 000 albums qu'il a écoulés sur le marché. J'ai tous acheté pour que tout le monde arrête d'écouter du Marc Pinilla. Ouais, je vous l'ai dit, hein, je vais faire des choses utiles pour la bonne marche du monde. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai racheté la NVA et j'ai rebaptisé le parti Paul Magnette pour le faire chier. Voilà. Et puis enfin, c'est le moment de vous le dire, j'ai racheté cette émission. Ah ouais. Voilà, j'ai racheté toute la radio. Donc là, tout m'appartient, les micros, tout ça. Du coup, dans cette émission, je peux faire tout ce que je veux. Attendez, je vous apporte un verre d'eau. Monsieur, voilà. Attendez. Par exemple, si je veux du Francis Lalanne, bim, j'ai du Francis Lalanne. Je veux chanter ces mots d'enfant. Voilà. Impressionnant. Tu es ici chez moi, Walid. Ouais. Ouais. Bah comme les auditeurs. Mais alors, je ne veux plus du Francis Lalanne, très bien. Je veux du Marie-Pierre Moulinieu. Allez hop, Marie-Pierre Moulinieu. Alors dans ces conditions météo actuellement, la qualité de l'air est toujours très très bonne, aussi bonne que durant ces derniers jours. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on trouve les météos de Marie-Pierre Moulinieu sur YouTube, postées par un certain Mike avec des légendes du style Marie-Pierre Moulinieu présente la météo du 18 octobre vêtue d'une superbe jupe en cuir. Véridique. Alors je sais, je fais ce que je veux de cette émission. Alors si je veux me payer les grosses têtes, bim, je me paye le générique des grosses têtes. Bim, petit kiff. Je veux le mettre à l'envers. Bim, je le mets à l'envers. Voilà. Tu sais qu'après tu te réveilles avec pas patron quand même. Voilà, je ne veux rien dire, cette émission. On gagne des auditeurs. Ouais. Voilà, j'ai une idée, je la fais. Hop. D'ailleurs, je suis désolé, j'ai décidé que Vous n'animerez plus cette émission, Walid. Désormais, c'est Raoul qui animera. N'hésitez pas, Walid, à intervenir quand vous le voulez. Si vous avez une petite info insolite, par exemple. D'accord. Voilà, merci, mon petit. Voilà. De bouffe. Ah là là là, c'était l'actu revue et corrigée par Pierre Cherette. Merci pour votre talent. Pierre, dans la suite de cette émission, nous allons donner une dernière fois la parole à Walid pour raconter l'anecdote de Rabbi Jacob, évidemment. Alors, je vais vous raconter cette anecdote de Rabbi Jacob. Mais avant cela, je vais vous inviter à envoyer donc Baptiste ou Benabar, si vous souhaitez. Allez applaudir. Un peu le maquis, là, non, Walid. Trocadéro, lors du Vous Rire Festival, que ce soit aux formes de Liège ou Trocadéro, vous envoyez Baptiste ou Benabar, suivi de votre nom, prénom et adresse complète, par SMS au 6031, 75 centimes le message. Alors, cette anecdote concernant Rabbi Jacob, eh bien, c'est un beau film. C'est un bon film. Non, je vais raconter cette anecdote rapidement. Le jour de la sortie du film, le 18 octobre 1973, il y a Daniel Craven. Alors, elle ne parle à personne, mais c'est la femme de la déchet de presse du film de Georges Craven, qui a détourné le vol d'Air France Paris-Nice. Alors, elle était fragile psychologiquement et elle menaçait de détruire le Boeing 727 si le long métrage, dont elle jugeait eh bien, la sortie intolérable au vu de la situation internationale et qu'elle considérait donc pas terrible pour l'époque, n'était pas interdit. Et donc, elle était armée d'une carabine 22 long rifle et d'un faux pistolet. Et la jeune femme a accepté de poser son avion à Marignane pour un ravitaillement avant de repartir vers le Caire. Et sur place, au cours d'un échange de coups de feu, eh bien, elle a été atteinte à la tête et à la poitrine et elle est morte de ses blessures. Ah, ouais. Oh. Voilà, voilà, voilà. Petite histoire ah bah comme voilà, ça qui met bonne humeur. Finir en beauté. Quoi. Histoire de vous dire que cette émission touche à sa fin, les amis. Je remercie Pierre Charette. Merci Raoul. Merci Raoul. Merci Paul Mosseret. Merci Mickaël Elbaz. Merci Catherine Envaux. Merci Raoul Reyer. C'est rendez-vous demain dès 16h pour un nouveau numéro de C'est Presque Sérieux. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, restez comme vous êtes. La première présente le concert 100% Sounds for Research en faveur de la recherche contre la leucémie. Avec Puggy, Les Innocents, Cocoon, La Grande Sophie, Musti, Soul, Nicolas Testa, Hollywood Porn Stars et d'autres surprises. Le 27 octobre à la Madeleine à Bruxelles, en présence de Virginie Efira et François Damiens. Info et tickets, concert100%.be. MiDirect est la banque de fonds d'investissement par excellence. Et d'après ses clients, MiDirect a un service clientèle extraordinaire. Essayons. MiDirect Banque, bonjour, Medica, comment puis-je vous aider ? Oui, j'ai lu dans une pub pour MiDirect que pour 97% de votre sélection de fonds, il n'y a pas de frais d'entrée ni de sortie. C'est exact ? Oui, tout à fait, monsieur. C'est clair, merci. Au revoir. Vous voulez l'essentiel à moindre coût ? Investissez chez...